Les délégations de divers pays et régions participant à la 19e foire internationale printanière de Pyongyang ont fleuri le vin de couron les statues du président Kim Il-sung et des dirigeants Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de s'incliner.